Bonjour Amélie Perrault. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, avant ce week-end de manifestations et d'élections, vous nous racontez l'histoire d'un objet politique, la banderole. C'est un livre de l'historien Philippe Artière, republié cette semaine et qui s'ouvre avec des images. Des écrits japonais s'envolent, accrochés à des ballons dans le ciel d'Hiroshima. En Sicile, des bannières religieuses avancent en procession. Place Tiananmen, un étudiant chinois endormi s'est enveloppé dans un drapeau. D'un lieu à l'autre, d'une époque à l'autre, la banderole dit la fête, la guerre ou la grève. Elle signale l'événement, elle l'organise et l'ordonne. L'histoire de la banderole est politique, mais elle est d'abord militaire et religieuse. Ce sont les étendards derrière lesquels les armées se rangent. Puis au Moyen-Âge, les bannières portées par des saints dans les peintures sacrées, bannières qui servent de prétexte à placer dans l'image des extraits de la Bible. Ces bandes de textile qui volent dans le tableau seraient d'ailleurs les ancêtres des bulles de nos bandes dessinées. Autre descendance, celle des écharpes tricolores de nos mères. Créées par une loi de 1790, les banderoles écharpes seront reprises par les suffragettes au début du XXe siècle comme une façon de faire de son corps une banderole, de s'inscrire soi-même entièrement dans sa lutte. Et qu'on la porte sur soi ou à bout de bras, la banderole est toujours un rapport au corps. Le corps qui la brandit, l'accroche ou la déplace, le corps de la manifestation qui se groupe derrière elle ou veut conquérir par elle la ville. Philippe Artière va même jusqu'à dire que la banderole est l'autre corps de l'homme révolté. Mais pourquoi parler dans un même livre de la place Tahrir et des stades de foot, du tatouage et d'une femme dans un théâtre italien peignant en rouge sur fond blanc « Abolissons la prudence ». Tout écrit, logo, panneau, semblerait presque pouvoir trouver sa place dans ce livre où l'histoire de la banderole, c'est une histoire du voir et de l'être vu, de la mise en scène de l'objet écrit. Mais tout au long de l'histoire, la banderole ne fait pas que signaler l'événement, elle fait elle-même l'événement. Elle est en soi un acteur des combats. Tout a commencé à 7h ce matin lorsque les 300 prisonniers que compte la maison d'arrêt de Nancy, qui est située en plein cœur de la ville, se sont mutinés et retranchés dans un des bâtiments de la prison Charles III. Aussitôt, plusieurs pelotons de CRS qui stationnaient à l'extérieur sont entrés dans la prison et un certain nombre de détenus sont montés sur les toits et ont commencé à saccager les toitures jetant sur les forces de l'ordre, forces tuiles et briques. Pendant ce temps, d'autres mutins allumaient un incendie dans l'aile arrière de la maison d'arrêt et brandissaient un drap sur lequel on pouvait lire « On a faim ». Prison de Nancy, 1972. Les prisonniers sont montés sur le toit. Un morceau de tissu blanc. Quel message faut-il écrire ? 7 lettres. Et comment l'écrire ? Un morceau de chocolat a été trouvé dans une cuisine. 7 lettres sur le drap blanc. La banderole est déployée. On a faim. Sur le toit, les prisonniers deviennent visibles. La photo du toit, écrit l'historien, se passe de légende. Les mutins y ont écrit la leur. La banderole, actrice des mouvements politiques, c'est aussi par exemple le patchwork des morts du sida. Les proches d'une personne disparue de la maladie décortent un carré de tissu avec son nom, des phrases, des souvenirs. Rassemblés, les carrés deviennent une immense banderole et inventent un nouveau rituel de mémoire collective. Philippe Artière pose enfin une dernière question, fondamentale pour l'historien. Comment meurent les banderoles ? Que deviennent-elles une fois la manifestation terminée, l'événement achevé ? Remisées, mais dans quel local ? Réutilisées, mais comment ? Des artistes s'en emparent et une institution, surtout, les conserve. L'Institut international d'histoire sociale d'Amsterdam, plus grand cimetière au monde de banderoles. Près de 3000 pièces en tissu, des panneaux de suffragettes, de Tiananmen. Mais 3000 pièces, cela laisse tout de même de par le monde de nombreuses banderoles sans sépulture. Restent les images. Et aujourd'hui, Internet est un agrandissement de la scène sur laquelle la banderole vit, voire un lieu direct d'affrontement, avec par exemple la pratique qui consiste à s'introduire sur le site Internet d'une institution ou d'une entreprise pour en changer la page d'accueil et dire qu'on l'a piratée. Une pratique qui mérite, assure Philippe Artière, de figurer dans l'histoire de la banderole et qui redit encore, s'il le fallait, son infatigable puissance de contestation. Merci beaucoup Amélie Perrault. Et oui, nous pouvons retrouver la banderole du journal de l'histoire sur le site internet franceculture.fr.